le sourire de tes yeux. Ton regard, tel un doux matin, pétille et brille, éclat serein. Tes prunelles noisettes, lumière du chemin, éclaire mes jours, apaise mes chagrins. Le sourire de tes yeux, miroir de l'âme, joyeux précieux, illumine ma vie, me rend heureux, ton éclat doux éblouit mes cieux. Tes paupières closes, instant magique, se réouvrent doucement, vision féerique. Tes cils longs caressent l'air, tactique, chaque climat, un monde unique. Un monde unique. Le sourire de tes yeux, miroir de l'âme, joyau précieux, illumine ma vie, me rend heureux. Ton éclat doux éblouit mes cieux. Ah ! De jour comme de nuit, tes yeux pétillent comme des diamants, lueur qui brille. Même fermés, ils illuminent ma vie. Dans l'ombre, leur éclat se faufile. Se faufile. Le sourire de tes yeux, miroir de l'âme, joyau précieux, illumine ma vie, me rend heureux. Ton éclat doux éblouit mes cieux. Dans tes yeux, un océan de rêve, comme des saphirs, leur éclat m'enlève. Leur profondeur m'inspire, mon esprit s'élève vers des horizons que rien ne relève. Le sourire de tes yeux, miroir de l'âme, joyau précieux, illumine ma vie, me rend heureux. Ton éclat doux éblouit mes cieux. Parfois rieur, parfois larmoyant, comme des rubis doux et émouvants. Chaque lueur un secret charmant, rêve ton cœur toujours aimant. Le sourire de tes yeux, miroir de l'âme, joyeux précieux, illumine ma vie, me rend heureux. Ton éclat doux éblouit mes cieux. À travers tes mirettes, je vois l'infini comme des opales magiques et bénies. Ton regard messager d'un doux paradis me guide, m'apaise à jamais uni. Tes yeux, miroir de l'âme, joyau précieux, illumine ma vie, me rend heureux. ton éclat doux éblouit mes cieux.